Activité 10. Compréhension orale. Première écoute. Eau, électricité, déchets, transport. À chacun de faire un effort. Aujourd'hui, avec vous, je voudrais tirer la sonnette d'alarme et, en tant que jeune citoyen, je vous demande de vous engager personnellement à faire un geste pour sauver la planète. L'écologie n'est pas un effet de mode. Ce doit être le souci de tous, tout le temps. Protéger l'environnement naturel aujourd'hui pour les générations de demain, voilà l'objectif visé. Comment ? En changeant nos mauvaises habitudes et en suivant au moins une des 10 recommandations faites dans le cadre de la campagne « Défi pour la Terre » lancée par la fondation que j'ai créée et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Pour montrer votre solidarité et la prouver, il suffit d'aller sur le site www.défipourlaterre.org ou de compléter le formulaire présent dans le petit livre vert pour la Terre que je vais vous remettre. Au fur et à mesure des engagements enregistrés, c'est-à-dire concrètement des gestes que vous vous engagez à faire à l'avenir, il sera possible de suivre sur Internet le nombre total de gestes par catégorie et les effets directs prévisionnels sur l'émission de gaz à effet de serre. Ces gestes, qui peuvent changer le cours des choses, sont les suivants. Écoutez bien. Limiter l'usage des emballages. Acheter des produits bio. Débrancher la télévision, la Hi-Fi, l'ordinateur. Faire des choix économes. Préférer la douche. Arrêter le chauffage. Pensez à l'énergie solaire. Utilisez le mode piéton. Restez souple au volant, à moto ou à scooter. Prendre le train. Je n'ai pas l'habitude d'inciter les jeunes à regarder la télévision, mais je tiens à vous signaler que la chaîne TF1 participera à l'opération Semaine du développement durable qui se déroule du 30 mai au 5 juin et permettra à ses téléspectateurs de suivre l'évolution des engagements et leurs effets au moment du bulletin météo de 19h50. Maintenant, à vous. J'aimerais vous entendre. Deuxième écoute. Eau, électricité, déchets, transport. À chacun de faire un effort. Aujourd'hui, avec vous, je voudrais tirer la sonnette d'alarme et, en tant que jeune citoyen, je vous demande de vous engager personnellement à faire un geste pour sauver la planète. L'écologie n'est pas un effet de mode. Ce doit être le souci de tous, tout le temps. Protéger l'environnement naturel aujourd'hui pour les générations de demain, voilà l'objectif visé. Comment ? En changeant nos mauvaises habitudes et en suivant au moins une des 10 recommandations faites dans le cadre de la campagne « Défi pour la Terre » lancée par la fondation que j'ai créée et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Pour montrer votre solidarité et la prouver, il suffit d'aller sur le site www.défipourlaterre.org. Ou de compléter le formulaire présent dans le petit livre vert pour la Terre que je vais vous remettre. Au fur et à mesure des engagements enregistrés, c'est-à-dire concrètement des gestes que vous vous engagez à faire à l'avenir, il sera possible de suivre sur Internet le nombre total de gestes par catégorie et les effets directs prévisionnels sur l'émission de gaz à effet de serre. Ces gestes,